doesn't sleep to find I'm king of the hill, head of the list, cream of the crop at the top of the heap. My little time lives up, melting away. I'll make a brand new start of it. Liza Minnelli sur RGM. Il est pile 8h37, on parle anniversaire. Ils sont nés un 12 mars 1946, naissance de Liza Minnelli, actrice et chanteuse américaine, vue dans Cabaret, Nina, New York, New York, ou encore la série télé Arrested Development dans le rôle de Lucille Ostero. 1953, naissance de Nelson Montfort, animateur, journaliste français, connu pour commenter le patinage artistique, mais aussi, surtout, pour ses interviews de sportifs, et bien après les courses, hein, que ce soit en athlétisme, au tennis ou autre. 1957, naissance de Marlon Jackson, chanteur américain qui fut membre des Jackson 5, pardon, et on se remémorera un petit titre, hein, des Jackson 5 dans quelques instants. 1961, naissance de Titus Welliver, acteur américain vu dans Argo, Transformers, L'âge de l'extinction dans le rôle de James Savoy, à la télévision dans Deadwood dans le rôle de Silas Adams, The Good Wife dans le rôle de Glenn Shields, The Last Ship ou encore Chicago Police Department. 1963, naissance de Julia Campbell, actrice américaine connue pour son rôle de Melanie George dans la série Le Flic de Shanghai, vu également dans Desperate Housewives ou encore Dexter. 1968, naissance d'Aaron Eckhart, acteur américain vu dans Erin Brockovich, Seul contre tous, Paycheck, The Dark Knight, Le Chevalier Noir dans le rôle d'Harvey Dent alias Double Face, vu également dans La Chute de la Maison Blanche et La Chute de Londres dans dans le rôle du président des États-Unis Benjamin Asher. 1970, naissance de Marine Delterme, actrice française vue dans Les Randonneurs dans le rôle de Bernadette, et elle incarne depuis 2002 à la télévision le juge Alice Nevers dans la série Alice Nevers, le juge est une femme. 1984, naissance de Jamie Alexander, actrice américaine connue pour son rôle de Sif au cinéma dans le film Thor et Thor le monde des ténèbres, et à la télévision pour ses rôles de Jessie XX dans la série Kyle XY et ses rôles de Jane Doe alias Remy alias Alice Kruger dans la série Blindspot. 1985, naissance de Stromae, auteur, compositeur, interprète belge. Et 1986, naissance de Danny Jones, chanteur, guitariste britannique du groupe McFly, et on écoute tout de suite un extrait de leur titre Love Is Easy. Today I'm laughing the clouds away, I hear what the flowers say and drink every drop of rain, and I see places that I have been in ways that I've never seen. My side of the grass is green. Oh, I can't believe that it's so simple. It feels so natural to me. If this is love, then love is easy. It's the easiest thing to do. If this is love, then love completes me. 'Cause it feels like I've been missing you. A simple equation with no complications to leave you confused. If this is love, love, love, it's the easiest thing to do. Voilà pour le groupe McFly. Allez, retour dans les années 70, 80, Jackson 5, quelque chose comme ça, avec leur titre Blame It on the Boogie. Jackson 5 sur le 107 FM, un peu plus de 8h44, on fait un point météo. La météo. Alors ce matin, il y a des éclaircies, mais ne vous réjouissez pas trop vite car malheureusement, ça ne va pas durer. La pluie devrait être parmi nous aux alentours de 10h hein, ce matin, donc dans quelques heures maintenant. Des températures douces. Hein, on a entre 10 et 11 degrés ce matin, on aura entre 12 et 14 degrés pour cet après-midi. Pour vendredi, soleil avec des nuages, des températures comprises entre 3 et 4 degrés le matin, entre 10 et 11 degrés. Prévu pour vendredi après-midi, samedi, soleil et nuages également, des températures comprises entre 1 et 2 degrés le matin, entre 11 et 12 degrés prévu pour samedi après-midi. Allez, on file faire tout de suite un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Bon, une actualité sportive encore marquée par le coronavirus, on va en parler encore longuement. On commence tout de suite avec le football et la Ligue des Champions et le match PSG Borussia Dortmund qui se jouait à huis clos, hein, donc en raison du coronavirus, mais il y avait tout de même environ 3000 supporters aux abords du stade, hein, donc voilà, on interdit aux supporters de rentrer dans le stade, mais ça ne les empêche pas de se réunir autour, hein, donc ils auraient été aussi bien à l'intérieur. En tout cas, la chose à retenir de cette soirée, eh bien, c'est la victoire 2-0 du PSG et ainsi la qualification pour les quarts de finale. Ça faisait un moment que ce n'était pas arrivé. Et l'autre rencontre de la soirée opposée Liverpool, le champion en titre à l'Atlético de Madrid, eh bien, c'est le club espagnol qui s'est imposé 3-2 après prolongation. A noter que le champion en titre est éliminé et que l'autre finaliste de l'année dernière, qui était Tottenham, est également éliminé. On va parler de la Juventus de Turin face à Lyon. Ça doit se jouer la semaine prochaine. Eh bien, le match est menacé par les nouvelles décisions prises par l'Italie. On en parlera un petit peu plus tard. Et à noter qu'un défenseur de la Juve a été testé positif au coronavirus. Il s'agit de Daniel Rugani. Donc voilà, affaire à suivre pour ce huitième de finale de la Ligue des Champions. Bien sûr, dès qu'on a des nouvelles, on vous les communique. Et en France, à noter que la finale de la Coupe de la Ligue opposant le PSG à Lyon a été reportée. Un mot de hockey sur glace avec les playoffs de la Ligue Magnus. Hier, c'était le match numéro 7 opposant Amiens à Mulhouse. Et c'est le club alsacien qui s'est imposé 4-2 face au club de l'Oise. Ils ont donc bien fait de reprendre ces quarts de finale, puisque à noter que dans la première décision, la fédération avait décidé de qualifier Amiens puisqu'ils étaient en tête dans la série. Et bien au final, c'est le club de Mulhouse qui se qualifie pour les demi-finales. On connaît donc les affiches. On connaissait déjà Rouen, Angers et Grenoble affrontera Mulhouse. Mais quand? Eh bien ça, c'est une bonne question. Est-ce que ça va se jouer? C'est une bonne question également, puisqu'à noter que dans plusieurs championnats européens, eh bien les saisons de hockey ont été suspendues, notamment en Allemagne ou encore en Autriche. Un mot de biathlon avec les championnats d'Europe junior. À noter la 4e place d'Emilien Claude sur l'individuel. Il est passé à ça d'une médaille. On parle de la Coupe du Monde à Contiolahti. Aujourd'hui, c'est le sprint messieurs, 15h30. Donc, le public devrait bel et bien pouvoir assister à ce sprint. Les dossards français, ce sera le 8 pour Antonin Guigona, le 41 pour Émilien Jacquelin, le 49 pour Martin Fourcade, le 53 pour Quentin Fillon-Maillet, le 66 pour Simon Détieux, le 74 pour Fabien Claude. Ils seront 104 à prendre le départ. Le premier à s'élancer, ce sera Rastor Gouyev, suivi avec le dossard 2 de Yakov Fak. On suivra également le dossard 6 de Johannes Dallé, le 9 de Bénédicte Doll, le 10 de Louguineuf, le 20 de Florent Claude, le 26 de Johannes Beu et le 29 de Tarier Beu. Et en ce qui concerne l'étape à Oslo, la décision devrait être prise d'ici ce soir. On parle tennis. Le circuit est en pause pour 6 semaines. Hein, suite à l'épidémie de coronavirus, tous les tournois sont suspendus. Et on parle basket avec la NBA. Folle nuit en NBA cette nuit. Alors à noter que l'équipe de New York de Tilikina s'est imposée après prolongation face à Atlanta à 8 points et 4 rebonds pour le français. Mais c'est pas ça qui est fou dans cette nuit en basket américain. C'est parce que un joueur a été testé positif au coronavirus et il s'agit du joueur français Rudy Gobert qui joue pour l'Utah Jazz. L'Utah Jazz devait affronter Oklahoma. Le match a donc été annulé avant que toute la saison, tous les matchs en tout cas, soient tout simplement suspendus jusqu'à nouvel ordre. Alors c'est vrai que quand on ouvre les réseaux sociaux ce matin et qu'on voit ça, bien on se pose des questions sur l'état de santé de Rudy Gobert. Alors à noter que le joueur français n'a rien communiqué sur les réseaux sociaux pour l'instant, mais un coéquipier de l'équipe de France, Evan Fournier, qui lui joue pour l'équipe d'Orlando, a posté quelques messages sur les réseaux sociaux et notamment un en français pour nous français. Donc il a mis « Pour les Français qui se réveillent, j'ai eu Rudy au téléphone ». Il va bien, avant de continuer en mettant « Ne cédons pas à la panique ». Donc voilà, apparemment, le joueur français va quand même